Unité 63. Les pronoms relatifs composés. Exercice 3. Manger le chocolat miam grâce auquel on reste en forme. 1. Voici le stylo plume avec lequel vous ne ferez plus de fautes. 2. Conduisez la voiture BAP dans laquelle vous vous sentirez comme dans un fauteuil. 3. Voici la valise Voya sans laquelle on ne peut plus voyager. 4. Écoutez la radio Libraire grâce à laquelle vous apprendrez plein de choses.